Voilà ce qui nous arrive en musique. Il faut d'abord apprendre à entendre un thème ou un motif. Il faut le percevoir, le distinguer, l'isoler et le limiter en une vie propre. Puis il faut un effort et de la bonne volonté pour le supporter malgré son étrangeté, pour exercer de la patience à l'égard de son aspect et de son expression, de la charité pour son étrangeté. Enfin arrive le moment où nous nous sommes habitués à lui, où nous l'attendons, où nous pressentons qu'il nous manquerait s'il faisait défaut. Et maintenant, il continue à exercer sa contrainte et son charme et ne cesse point que nous n'en soyons devenus les amants, humbles et ravis, qui ne veulent rien de mieux dans le monde que ce motif et encore ce motif. C'est exactement de la même façon que nous avons appris à aimer les choses que nous aimons. Bonjour Jacqueline Co. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous avez entendu un nombre incalculable de fois, c'est le cas de le dire, cet opéra de Philip Glass, de Bob Wilson, Einstein on the Beach. Est-ce que vous avez toujours la même émotion en l'écoutant ? Absolument. Je crois que c'est l'opéra que j'ai vu le plus souvent dans ma vie. Je pense que j'ai dû le voir une douzaine de fois. Il faut savoir qu'à chaque fois, c'est quand même 5 heures. C'est une vraie plongée, sans interruption, puisqu'il n'y a pas du tout de moment où on peut sortir, bien que eux-mêmes disaient « mais vous pouvez sortir à tout moment et revenir », mais on ne peut pas s'extraire. On est vraiment complètement happé par l'effet de cette musique sur nous, et ça garde toujours pour moi la même force, la même fraîcheur, la même puissance. Et je crois qu'il y a quelque chose de spécifique en effet. Hier, par exemple, Vanessa Wagner, c'était très beau, s'interrogeait sur le mystère, Philip Glass. Ouais. Je ne sais pas s'il faut résoudre le mystère, je crois que peut-être c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'art. Quand on n'arrive pas vraiment à tout expliquer, même lorsqu'on a essayé de tout bien décortiquer. Mais je crois qu'il nous propose une émotion sensorielle. On sait ce que sont les émotions intellectuelles, on sait ce que c'est que l'émotion esthétique. L'émotion sensorielle, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus mal accepté. Et ça vient du fait qu'en effet, ici, en Europe, et en tout cas dans le monde occidental, l'émotion sensorielle est quelque chose qui n'est pas très bien vu. And how is it? 5, 4, 1, 6, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Un conseil, Jacqueline Co, à ceux de nos auditeurs qui seraient en train de se demander « Mais qu'est-ce que c'est que cette musique ?» J'arrive pas à aimer ce que j'entends. Le texte de Nietzsche que j'ai lu en ouverture de cette émission, Un texte, c'est qu'on trouve au paragraphe 334 du Gai Savoir, « Il faut apprendre à aimer », s'adresse à cela, justement, hein, avec ce conseil, et dire, mais de toute façon, ce qu'il se passe en musique, c'est comme ce qui se passe en amour, c'est souvent l'objet d'un apprentissage, apprendre à aimer l'étrangeté, ce qui nous semble le moins familier possible. Oui, et ça, c'était quelque chose qui a été une vraie révolution lorsqu'ils sont apparus, parce que, en effet, comme le disait aussi hier Vanessa Wagner, quand Einstein on the Beach a été présenté en 1976, on n'avait jamais entendu ça. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un opéra qui dure 5 heures, sans entracte, qui n'a pas de livret, qui vient nous proposer juste les chiffres et les rythmes, voilà, et les notes, c'était quelque chose d'absolument ahurissant. Et ça, je le rattache à cette notion de processus qui était vraiment en train de se développer aux États-Unis. Alors racontez-nous. C'est-à-dire quelque chose où on montre ce que l'on est en train de faire. C'était très proche de la performance. C'était ça qui était en train d'émerger déjà depuis une dizaine d'années aux États-Unis. C'était vrai pour Merce Cunningham, c'était vrai pour Cage, c'était vrai pour Lucinda Child qui allait à ce moment-là à la Judson Church et où il y avait toutes ces recherches où l'on mêlait la musique, la danse, la parole, le théâtre. Et c'est ça qu'on a retrouvé, mis absolument d'une manière magnifiée dans Einstein on the Beach. Et pourquoi cette forme esthétique a tellement été mal perçue, c'était parce que tout à coup, elle tournait complètement le dos à tout ce que la musique occidentale nous avait proposé jusqu'alors. C'est-à-dire, en effet, le sérialisme, la complexité, plus c'est complexe, plus nous sommes intelligents. Or, on oublie qu'on a d'autres formes d'intelligence. Et il y a quelque chose, moi, que j'entends très très fort dans ces ruptures vraiment esthétiques qui ont été faites, et plus qu'esthétiques, parce que c'est aussi une des postures, des postures politiques, c'est de l'idéologie. Il y avait la queue de comète de la guerre, des camps. Qu'est-ce qui s'était passé en Europe d'inimaginable, d'inouï? Et c'est vrai qu'on savait que un certain nombre d'artistes avaient dit « Je ne peux plus danser, je ne peux plus présenter un corps glorieux après les camps, je ne peux plus écrire de la musique comme Wagner a pu le faire, je ne peux plus, je... » voilà. Et eux, ils étaient adolescents au moment où tout ça existait, où il y avait la guerre froide, où ils commençaient à lire des comics aussi, qui étaient donc tout à fait une autre culture. Et pour eux, par exemple, l'important, ça a été la musique noire américaine. Et ça, tous le disent, que ça soit Terry Riley, parce que c'est vraiment un improvisateur qui a été beaucoup joué dans les clubs avec d'autres musiciens, que ça soit Lamonté Young qui, pareil, jouait à ce moment-là du saxophone, que ça soit Steve Reich qui dit la musique répétitive n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu John Coltrane. On n'a pas de référence à l'Europe là, hein. On a la référence à l'Afrique derrière, c'est-à-dire en effet les cycles, c'est-à-dire en effet les percussions, c'est-à-dire en effet un rapport autre au son. Et ça, je trouve fantastique, quand tout à coup vous croyez connaître déjà tout, que tout a été trouvé, recherché dans un champ esthétique, et non, d'autres viennent vous proposer un déplacement qui vous fait entendre le son autrement. Et en effet, les boucles. Et moi, je me dis toujours, et on sait que Steve Reich, par exemple, a été travaillé avec des tambourinaires du Ghana, et qu'après, il a fait drumming. On sait que Philip Glass, il a travaillé avec Ravi Shankar. Donc, la musique répétitive la plus ancienne au monde, c'est-à-dire la musique vivante encore, parce que elle a peut-être 600 ans pour certains ragas. Donc, on entre vraiment dans une autre histoire de la musique, dans un autre rapport temporel, et c'est ça, je crois aussi, qui nous touche. Moi, c'est vrai que lors de la première émission, on s'est interrogé sur qu'est-ce qui fait que Philip Glass soit encore autant aimé et recherché. Pourquoi, il y a très peu de temps, il a entendu quelqu'un qui jouait Philip Glass au piano en Ukraine. Oui, c'était mon invité Sylvain Fanel l'an dernier. Ouais. Et ça, c'est très beau et très fort. Qui expliquait que pendant les confinements, d'ailleurs, les comptes sur les réseaux sociaux de Philip Glass avaient explosé littéralement parce que tout le monde jouait du Philip Glass et s'envoyait les vidéos où il jouait du Philip Glass. Parce que je crois qu'il y a à la fois une écriture nouvelle qui nous ramène à quelque chose de très archaïque. C'est-à-dire, en effet, les rituels. Ouais. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre du rituel, parce que les rituels sont basés sur les cycles, sont basés sur les boucles, et ce sont ces répétitions qui viennent frapper à certains endroits du cortex cérébral, qui vont faire une empreinte, et là on rejoint Nietzsche, quand ça vient à nouveau s'imprimer au même endroit du cerveau, il y a quelque chose qui se passe dans notre corps. Et pour vous, c'est neurologique ou physiologique? Moi, je dirais qu'ils ont travaillé sur la psychoacoustique. Vraiment, de façon très savante et très bien recherchée. C'est quelque chose qui est spécifique à ces musiciens-là. Alors, et notamment à Philip Glass. Justement, on va essayer de se familiariser avec cet opéra ce matin, Einstein on the Beach. Déjà, première question, mais pourquoi Einstein? The thing that we had most in common was that we worked in time. Les choses qu'on avait en commun, c'était qu'on travaillait sur le temps. C'était notre langage commun, le temps. Depuis le début, on pouvait en discuter facilement sur les longueurs de temps. Et puis on a parlé du contenu après, et puis il y a eu des différences entre le mouvement, entre l'image, la musique. On est très très à l'aise dans nos discussions sur le temps. Et à un moment, on a décidé de faire le portrait de quelqu'un. On ne savait pas qui. Lui, il avait suggéré... Il avait suggéré Hitler, je pense. Moi, non, j'ai refusé. Et puis j'ai pensé à Gandhi. Il n'était pas intéressé. Enfin, moi, je n'étais pas intéressé. Lui, il n'était pas intéressé à l'époque. Aujourd'hui, il sera intéressé, je pense. Et puis, il a dit Einstein. Et oui, là, ça y est, ça, c'était le déclencheur pour moi. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de Philip Glass cette semaine. Vous venez d'entendre sa voix, c'était sur France Inter en 2014. Il raconte comment, avec Bob Wilson, ils en sont venus à créer cet opéra. Donc, premièrement, c'est la question du temps qui les obsédait l'un et l'autre, Jacqueline Coux. Oui. Et deuxièmement, quand ils ont décidé d'articuler cette question du temps autour d'un portrait, Bob Wilson a commencé par dire « Ok, pourquoi pas Hitler ?» Philip Glass dit « Ah non, pas Hitler, je propose Gandhi, dit « Ah non », et finalement Einstein, ils se sont mis d'accord autour d'Einstein. Absolument, parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la mathématique. Et lorsqu'ils se sont retrouvés tous les deux, Philip a rencontré Bob Wilson en 1973, il travaillait encore avec notamment des enfants autistes, il travaillait aussi, moi j'ai vu une pièce incroyable, avec des gens qui étaient dans des poumons d'acier. Ils avaient des pipettes dans la bouche et ils faisaient un opéra lumineux avec Robert Wilson. Donc juste cette partie-là du corps qui était encore vivante, qui pouvait encore bouger, et c'est une pièce invraisemblable, quoi. On voit aussi à quel point Robert Wilson était intéressé par la lumière. Donc la lumière, ce sont des ondes. Elles ont pas toutes la même fréquence. Le son, c'est aussi des fréquences. Et puis c'est des mathématiques. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont commencé à avoir le désir de faire quelque chose ensemble, en 73-74, justement autour de cette notion de mathématiques. Mm-hmm. Donc Einstein, évidemment, tombait sous le sens. Et au départ, donc il n'y a pas de livret, il y a juste... Et Philippe a dit, mais au fond, il n'y a pas besoin de livret, puisque avec Einstein, nous sommes dans les chiffres. Nous allons garder 1, 2, 3, 4, on va aller jusqu'à 8, et puis on va aussi dire les notes, voilà, et ça, et c'est tout. C'est quasiment les seules paroles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et do, ré, mi, fa, sol, voilà, et si, do. À part les tout petits moments, les murmures où il y a entend les textes aussi. De Lucinda Child, ouais. Voilà, mais c'est pas vraiment un livret. Et ce qui est aussi complètement révolutionnaire, c'est que d'habitude, on parle du livret pour composer la musique et ensuite on met en scène. Là, pas du tout. On part de dessin. Ils se rencontraient tous les jeudis dans un petit restaurant japonais qui est tout à côté de là où vit Philip Glass. Et là, Robert Wilson faisait des dessins. Il disait, voilà, là, il y aura un train. Ah, là, il y aura un vaisseau spatial. Là, il y aura... Voilà, et c'est tout. Et par contre, j'aimerais que cette séquence-là dure 20 minutes. Et puis, j'aimerais que la totalité de l'œuvre fasse 5 heures. Voilà. Et ensuite, il y aura des petits entractes qu'on appelle les nipplets, les genoux. C'est-à-dire, oui, knee en anglais. Voilà, knee. C'est-à-dire, voilà, le genou, l'articulation entre, voilà. Et là, peut-être les gens pourront sortir. Or, personne ne sort parce que les nipplets sont magnifiques. Il se passe des choses musicales. musicalement extraordinaire. Et c'est à partir de là, de cette abstraction, donc, de dessin, que Philippe a commencé à faire la musique. Et puis ensuite, ils ont demandé à Lucinda Child, qui était, elle, également vraiment dans une recherche minimaliste de mouvement, magnifique, puisqu'elle ne fait que tracer des diagonales. Hein, elle marche. Mais là encore, il faut incarner la marche d'une façon très puissante pour que ça soit intéressant. Sinon, on s'ennuie. Mais au fond, c'est là où Einstein, finalement, c'est lui-même l'articulation de ces différentes personnes, parce que c'est par lui que dans l'imaginaire de ses contemporains, et encore plus dans les années 70, s'articule l'espace et le temps, au fond. Absolument, absolument. Et c'est ça qui est très très fort dans ce, et notamment ce travail de la lumière qu'a fait. On entendra tout à l'heure l'aria de The Bed, et ça, on peut pas faire plus dépouillé on va l'écouter. Que cette salle. Vous voulez en dire quelques mots avant ou d'abord on l'écoute ? Peut-être j'en parle après. Allez, on écoute. Alors pour essayer de situer les choses, Jacqueline Coe, précisons, donc Wilson imagine trois thèmes visuels, le train, le vaisseau spatial, le jugement, deux danses dans un champ. Il ajoute cinq intermèdes, vous l'avez dit, les knee plays, pour lier littéralement les actes entre eux. Chaque acte dure environ une heure, chaque intermède dure six minutes. Et finalement, d'un point de vue musical, les accords arrivent progressivement, scène après scène, et semblent s'accumuler pour créer une sorte de cycle rythmique et mélodique qui va proposer une sorte de progression harmonique au fond. Alors, où en sommes-nous ici dans l'opéra ? On est déjà très avancé dans l'opéra à ce moment-là, et je dirais que cette partie-là, elle est comme une respiration entre des moments où il y a en effet une énergie rythmique, ce que Philippe Glass appelle l'unisson rythmique. C'est-à-dire en effet tout le groupe et tout l'ensemble se met vraiment à jouer de la même façon avec des petits décalages, etc. Et c'est là aussi où ça, je vais revenir sur le moment présent de cet opéra-là, mais c'est là où on voit combien il est difficile d'interpréter ce que disait Vanessa Wagner aussi. Yeah. Comment il est difficile de tenir, parce que si vous ratez une note, c'est comme les dominos, tout tombe. Mais ça c'est vrai pour toute la musique, non ? Ça s'entend davantage. Ah bon ? Parce que c'est très pur et très simple. Donc là, une fausse note là, elle, c'est une catastrophe absolue, quoi. Je veux dire, elle peut pas être masquée par quelqu'un qui va taper sur une percussion un peu plus loin et qui va effacer un tout petit peu et brouiller l'erreur que vous avez faite. Il faut savoir que Philippe Glass et son groupe, alors qu'il était chauffeur de taxi, etc., on l'a dit déjà, ont répété, pas Einstein on the Beach, mais Music in 12 Parts, par exemple, pendant 4 ans, tous les jours, avant de se produire là, pour la première fois en musique. C'est-à-dire, ça doit être parfait. C'est ça. Qui fait ça ? Qui fait ça maintenant ? Donc il y a une quête de la perfection derrière ça. C'est une quête absolue de la perfection. Et il faut que le corps, c'est pour ça que je dis aussi que le corps est très investi, il ait ça dans les doigts. Donc pour revenir à ce qu'on vient d'entendre... Écoutons, il reste 20 secondes, écoutons la fin. Okay. Comme ça, comme on va jusqu'au bout et vous nous dites. Et voilà. Qu'y a-t-il de plus pur que juste ces quelques notes et cette voix magnifique? Alors, on a tous des définitions différentes de la beauté, mais pour moi, là, c'est vraiment la beauté. Il y a quelque chose de l'ordre du sublime quand on arrive à provoquer de telles émotions avec si peu d'éléments. Et c'est pour moi une très grande élégance aussi esthétique. Hein. Voilà, on est dans une sorte de dépouillement. Et donc, on avait au sol un rectangle éclairé, lumineux, très grand. Et il fallait que c'était le lit. C'était ça qui représentait le lit. Et ce lit devait se dresser extrêmement lentement pendant que cette voix s'élève et que cet orgue rejoue les mêmes accords. Et ensuite, une fois qu'il est debout, il monte et il disparaît dans les cintres. Donc, ça dure 20 minutes. Et j'ai vu vraiment des gens pleurer. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette esthétique? Qu'est-ce qu'elle nous rappelle? Sur quoi résonne-t-elle? Et donc, c'est pour ça que je dis que ça rejoint quelque chose de l'ordre du rituel, quelque chose de l'ordre de l'archaïque, quelque chose où, voilà, on va se réunir et tous entonner le même rythme, le même chant pour faire tomber la pluie, pour la fécondité, pour féconder la terre, on est dans cet ordre-là. Pour moi, hein, voilà. Et c'est peut-être ça qui fait que ça a cette puissance, parce qu'on a en nous cette espèce de mémoire. Et je trouve aussi que lorsqu'on écoute jouer Philip Glass, il y a quelque chose d'une très grande douceur, toujours. Et plus que ça, je dirais que j'entends, moi, quelque chose de l'ordre du compassionnel vis-à-vis de l'humain. L'être humain, sa fragilité. Ce qu'il disait hier dans l'émission, on naît, c'est brutal, on mort, c'est brutal, c'est la mort est brutale, on finit souvent, non pas sur une note descendante, mais sur une note qui est coupée brutalement. Voilà. Dans la musique de Philip Glass, dans la oui. musique de Philip Et dans Glass. La vie peut-être et aussi. Dans, c'est ça, et absolument dans la vie. Donc il y a quelque chose de cet ordre, je crois vraiment, du compassionnel, qui ne se dit pas, mais qui s'entend. Pour moi, très très fort. Et qui expliquerait pourquoi on aime autant écouter Philip Glass? Oui. Comme un réconfort? Comme une caresse? Pour moi, c'est absolument un réconfort. Pour moi, c'est vraiment ça. Je veux dire que vraiment, pendant justement ces confinements, pendant tout ça, il me suffit de mettre Philip Glass. Et là, c'est même plus que ça. J'ai la sensation de donner la main à tout un ensemble d'êtres humains qui sont là et qui m'amènent en dehors de la pulsion de mort, de toutes ces pulsions de mort qui s'expriment partout autour de nous. Je veux dire que vraiment la pandémie, c'était quelque chose de terrible. Ce qui se passe en Ukraine, c'est quelque chose de terrible. Et avant, il y avait le Vietnam, et avant, il y avait... C'est constamment que les pulsions de mort s'expriment. Là, on est dans l'expression d'une pulsion de vie. Avec toute la douceur et en même temps la violence parfois, en tout cas le frémissement de la vie tout le temps, et c'est ça qui nous entraîne, et c'est ça, et à ce moment-là je me dis mais tu n'es pas toute seule. C'est ça, il y a une dimension universelle, tu fais partie de collective. Ouais, absolument, et me resituer dans cette humanité, c'est quelque chose de qui régénère, c'est quelque chose qui vous donne une force aussi, hein, parce que je crois que on agit jamais aussi bien que lorsqu'on est dans la joie. Même si on sait qu'à côté, il y a des drames. Voilà. Là, on peut être vraiment... La joie, vous pensez? C'est oui. La joie dans une espèce... Vous parliez de compassion, mais... Dans une sorte de... Oui, de joie très profonde, comme une métaphysique, ou comme... voilà, de cet ordre-là, hein, ou dans la jubilation. Thank you. Je suis arrivée là-dedans, vous savez, comme une bombe, enfin, sans avoir jamais rien vu de ce genre. J'ai eu l'impression que c'était vraiment notre vie à nous, vous savez, cette répétition, ces gestes automatiques. Et je me demande si c'est vraiment ça qu'il a voulu dire, Bob Wilson. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Là, vous sortez du spectacle ? Là, je sors du spectacle. C'est-à-dire que je sors, je me promène, et je vais peut-être revenir dans une demi-heure après avoir fait un grand tour. Pourquoi ? Parce que je trouve ce spectacle finalement assez ennuyeux. J'y vois aucun intérêt. Et j'aimerais bien qu'on m'explique un peu quelque chose pour y trouver l'intérêt. Parce que, au point de vue musical, j'aime beaucoup la musique, mais c'est toujours la même chose, comme vous l'entendez. Au point de vue ballet, eh bien, c'est pas extraordinaire. Finalement, je m'y ennuie profondément. Très romantique. Un homme avec les cheveux blancs qui joue le violon et qui rêve. Et c'est une... Parce que Einstein, il me frappe comme poète, plus poète que scientiste. Et même le scientiste le dit. C'est un scientiste et poète mélangé. C'est pour ça qu'il a la force d'imagination pour changer la physique. Ça continue encore et encore, hein, Jacqueline Kourou. Absolument. Pourrait s'amuser jusqu'à la fin de l'émission. Il y a une espèce de presque de transe qui se crée, ou d'euphorie, voire d'agacement. Alors répondez à ce spectateur qui avait quitté le spectacle donc en 76 à Avignon. Là, il dit bah, en fait, moi, j'aimerais qu'on m'explique parce que je trouve ça pas alors mal. Je crois que ça, il fait partie de ces personnes qui veulent qu'il se passe toujours quelque chose à tout instant. Donc ça, c'est une philosophie de vie. Hein. Et là, justement, ce que j'ai trouvé magnifique qui nous était proposé, et c'est peut-être encore plus magnifique maintenant où les choses ont tendance encore à s'accélérer, parce qu'il faudrait qu'on fasse trois choses en même temps, et même trois, c'est peut-être pas encore suffisant, quatre, ça serait encore mieux. Et là, non, là, c'est quelque chose où même dans les tourbillons qu'on vient d'entendre, moi, je crois qu'il y a ça aussi qui joue sur nous, c'est que tout à coup, le temps est suspendu. Oui. Et ça, c'est très rare, cette proposition-là. C'est-à-dire, en effet, on n'est pas dans un déroulement du temps linéaire, on est dans un déroulement vertical. Quelque chose se développe d'une façon verticale. Ce sont donc des on couches, est il le dit, Glass. Voilà, il y a des couches comme ça, comme des nuages, qui nous suspendent. Et moi, ça, c'est quelque chose, évidemment, que j'apprécie énormément. Cette suspension du temps, enfin... Tout ce quotidien qui parfois m'ennuie terriblement, eh bien, il est complètement oublié, il est mis de côté et nous partons dans une direction où on échappe à cette fin inéluctable, où on est pendant un moment, on a la sensation qu'on va se maintenir comme ça dans cette verticalité du temps et dans des événements qui ne sont pas sans cesse précipités. Au contraire. Mouvement ascensionnel qui nous libère du quotidien. Au fond, c'est comme une drogue, Jacqueline Kourou. Oui, on peut le vivre comme ça. On peut. C'est là où je dis aussi que ça nous apporte. En effet, ça nous Moi, ça me nourrit, ça me lave. Voilà. Ah oui, carrément, ça vous lave. Ça me lave. Il y a une purification. Vraiment. Il y a une purification. Et pourtant, je suis pas quelqu'un du tout de religieux. Hein. C'est pas du tout de cet ordre-là. C'est de l'ordre, en effet, d'une entrée dans quelque chose de si simple et si beau. Parce que cet homme qui parlait précédemment confond complexité et mouvement fréquent, etc. Mais c'est pas forcément là qu'est l'intelligence. Parce que là encore, je rejoindrais peut-être de dire, voilà, l'homme occidental, il est tellement pragmatique, il veut tellement faire de choses, qu'il oublie que les chamans existent. Et qu'à ce moment-là, on bascule sur une autre forme d'intelligence, ouais. Sur une autre forme de communication, et qu'ils ne sont pas moins importants que... Et ce que dit Philippe est très beau. Einstein on the Beach, c'est ce scientifique qui jouait du violon et qui était poète. Donc là, il y a une quintessence qui se fait, quelque chose qui se noue en effet autour d'Einstein on the Beach et qui va complètement nimber tout cet opéra. Voilà, on est dans un autre registre. Est-ce que ce n'est pas vrai pour la musique en général ? Non. Non, c'est pas les mêmes effets parce que justement lorsqu'on a, c'est pas pour autant que moi je n'aime pas la musique sérielle, j'aime beaucoup aller écouter Xenakis, Stockhausen, je l'ai fait beaucoup, Schoenberg, voilà. Non, c'est autre chose et il est intéressant, comme je le disais au tout début, que dans un certain champ artistique, plusieurs propositions existent et ne soient pas repoussées comme a pu le faire Boulez. Je suis désolée de le mentionner, mais c'est vrai que pour moi, à l'époque, surtout quand j'étais adolescente et j'ai découvert ce travail-là très jeune, c'était un ennemi. Boulez ? Carrément. Ah oui ? Oui, parce que il était le tenant absolu de toutes ces valeurs que propose l'Occident, qui sont des valeurs, plus, comme je l'ai dit, plus c'est complexe, plus c'est intelligent, plus on est puissant. Mais c'est quoi ça ? Et après... C'est ce qu'il y a, moi, je trouve, dans la pensée coloniale. Voilà. On est au-dessus. C'est dominateur. Voilà. On domine tout le reste du monde. Donc, on peut aller les piller, on peut aller, voilà. C'est quoi la musique africaine? C'est quoi? Alors que là, je reviens de Mulhouse, où j'ai entendu Angélique Kidjo interpréter la symphonie numéro 12 que Philippe Glass a composée pour elle. Voilà. Et dans sa langue. Et là, je demandais, mais comment a-t-il fait pour que tout tombe aussi juste, parce que c'est une langue très très différente. Et elle me dit, ben voilà, il a travaillé de façon phonétique. Il m'a fait lire le poème, qui est un poème sur la création du monde. Mmh. Là encore, on revient sur des essentiels. Et ensuite, il a mesuré cette phonétique pour faire que la symphonie s'adapte à sa langue à elle, s'adapte à la langue africaine. Donc on est dans une posture radicalement opposée à celle de Boulez, on est aux antipodes, absolument. C'est-à-dire, non seulement je regarde avec respect ces autres cultures, mais même je vais les servir, je vais les sublimer, je vais faire quelque chose qui va encore les mettre plus en valeur. Et c'est ça aussi dont parlait Vanessa Wagner, cette multiplicité de travail avec d'autres, parce que c'est s'ouvrir à tous les possibles et non pas fermer. Moi, cette notion d'inclusion de toutes les autres cultures, c'est quelque chose de très très important. Et c'est pas l'exclusion. Et avec Boulez, nous étions dans l'exclusion. Si vous ne faites pas de musique comme on l'a fait à l'IRCAM, ça n'est rien, ça ne vaut rien. Il a toujours fermé la porte. Hein. Je suis désolée. Il y a deux de camps qui s'affrontent hein, toujours. Je vais déplaire à certains, mais je le pense profondément. Il y a, en tout cas, Einstein on the Beach, l'opéra n'existerait sans doute pas s'il n'y avait pas eu l'aide très concrète d'un homme. Absolument. Venait d'une sorte d'envie d'agir, qui je crois me constitue, et d'agir au service de ce qui m'intéresse profondément, et ce qui a été le fond de ma vie depuis l'adolescence, c'est-à-dire les univers et les langages de mon époque, contemporain. Avez-vous reconnu cette voix, Jacqueline? Est-ce que c'est Michel Guy? Oui. Qui était Michel Guy? Le ministre de la Culture de l'époque. Et ça a été quelqu'un d'absolument essentiel. Parce que c'est lui qui allait écumer à l'époque, dans les années donc 70, tous les studios, et en plus on sait que cette musique était aussi réfutée aux États-Unis. Ils avaient absolument aucune possibilité d'aller dans quelques salles un peu sérieuses. Donc ils jouaient dans leurs ateliers. Moi, c'est là que j'ai découvert l'ensemble de Philip Glass, dans son atelier. Et ils allaient dans les galeries, parce que les arts plastiques étaient beaucoup plus avancés, Sol Lewitt, etc. Eux, ils les invitaient dans leurs galeries. Mais donc, c'était un tout petit public. Alors, il allait avec Bénédicte Pell. Ça, je tiens à la saluer, parce que c'est vraiment une femme qui a été vraiment essentielle dans le développement de cette culture en France. Donc, ils allaient tous les deux écumer tous les dents, tout ce qui se passait. Et voit, et c'est lui qui a commencé, voilà, à venir. Et puis après, il y a eu le festival d'automne qu'il a créé, auquel il les a invités. Et il les a invités tout de suite après Avignon. Voilà. Et ensuite Avignon. Et c'est ça qui les a propulsés sur la scène internationale. Et tous le disent, c'est grâce à lui que cette musique a eu une reconnaissance. Parce que ayant eu la reconnaissance du festival d'automne, ça a donné l'envie à certains Américains de les écouter un peu mieux. Il y a eu aussi un autre homme qui a été très très important dans la mise en place d'Ensign on the Beach, on le sait moins, mais c'est Andy Warhol. Andy Warhol a donné beaucoup d'argent à Robert Wilson et à Philip Glass pour arriver à monter cet opéra à New York. Parce que personne ne le voulait. Voilà. Bah, ils ont joué à guichet fermé, hein, au Met, oui, au Metropolitan Museum. Oui, c'est vrai, mais ils ont quand même énormément perdu d'argent. D'ailleurs, le père de Robert Wilson lui a dit après, je ne savais pas que tu avais cette qualité d'être capable de perdre autant d'argent en si peu de temps. Voilà. Donc, c'était vraiment quelque chose de, non, de, et il fallait qu'il soit soutenu par ces personnalités-là qui avaient tout de suite reconnu la nouveauté qu'il y avait. Et je dois reconnaître, puisque je viens de dire des choses pas très gentilles sur Pierre Boulez, quand il était à Avignon, et à la fin de l'opéra, il a dit « Vous avez révolutionné l'opéra ». Donc c'était quelque chose de très important. Ce qui est beau à dire aussi, c'est qu'ils avaient tellement travaillé tous, et ils faisaient des boulots à côté, ils n'avaient pas eu le temps de voir l'opéra en entier. Ils l'ont découvert en même temps que les spectateurs. Ils n'avaient pas vu l'ensemble de Einstein on the Beach. Mais ce qu'il y a de fascinant, c'est de constater à quel point, à ce moment donné, plusieurs acteurs de la scène musicale, politique, même financière, se sont accordés à reconnaître là quelque chose d'une nouveauté radicale et quelque chose qui méritait d'exister, au fond. Ah oui, mais parce que je crois que si on a un peu une sensibilité artistique, si on a des oreilles, c'est... On ne peut pas ne pas l'entendre. On ne peut pas ne pas le reconnaître. Et on ne peut pas aussi reconnaître par exemple, le travail sur la lumière à l'époque de Robert Wilson. Il n'y avait pas l'informatique qui permet de régler au millième de seconde près. Et ça a été beau. Parce que là aussi, on était dans cette notion de processus. C'est pourquoi, à la fin, Robert Wilson a fait venir tous les techniciens qui avait travaillé, parce qu'il s'était mais donné à fond pour arriver à satisfaire ces exigences qu'ils avaient tous, aussi bien sur la lumière que sur la danse, que cela, avec des outils très archaïques à l'époque. Et ça, c'était beau. Là aussi, on fait venir ce qui ne doit pas être vu, c'est-à-dire ceux qui travaillent derrière, dans les cintres, etc., au premier plan, au même titre que les musiciens, au même titre que les danseurs. Et ça, c'était aussi une révolution. Einstein as a piece, as a theater piece, as a music theater piece, was actually Einstein never on the Beach n'a jamais été imité par qui que ce soit. Il y a des gens qui disent qu'on a influencé l'opéra, mais ce n'est pas vrai. Personne n'a rien écrit de comparable. C'est devenu un opéra sui generis. Les gens font d'autres choses, bien entendu. Ils ont des approches différentes. On est revenu dans l'entertainment. L'influence de la télévision et du cinéma ne sont pas étrangers à cela. Mais un travail aussi abstrait que celui d'Einstein, c'est pas quelque chose qui a été imité. A story that is so very, very old, and yet it is so new. It is the old, old story of love. Two lovers sat on a park bench, with their bodies touching each other, holding hands in the moonlight. There was silence between them. So profound was their love for each other, they needed no words to express it. And so they sat in silence on a park bench, with their bodies touching, holding hands in the moonlight. Finally, she spoke. "Do you love me, John?" she asked. "You know I love you, darling," he replied. "I love you more than tongue can tell. You are the light of my life, my sun, moon, and stars. You are my everything. Without you, I have no reason for being." Again, there was silence as the two lovers sat on a park bench, their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more, she spoke. "How much do you..." The old, old story of love. On est à la toute fin d'Einstein on the Beach, ici Jacqueline Coe, et il nous est raconté cette vieille, vieille histoire qu'est l'amour. Puisque il y a une tonalité post-apocalyptique dans cet opéra, on entend les explosions, on entend des choses qui, je crois, sont en lien direct avec l'Holocauste, hein, tout à fait. Explicite. Ça se termine avec une histoire d'amour, comme un apaisement après la guerre ultime. Absolument. Et ça, je trouve cette fin absolument magnifique. Et ce qui est beau aussi, c'est que ça n'était pas vraiment prévu au départ. C'est cet acteur-là qui a fait cette proposition de terminer sur, voilà, il est dans son bus, et puis il raconte cette histoire des deux amoureux assis sur un banc qui se tiennent par la main, etc. Et ce qui est beau, c'est que Philip et Robert Wilson ont accepté immédiatement cette proposition. Donc c'était des formes ouvertes. C'est pour ça que parfois je me dis c'est comme une grande performance. C'est-à-dire en effet des choses arrivent, on les accueille. Voilà, après bien sûr elles se tiennent. Et quand il dit qu'en effet personne n'avait fait un opéra semblable, je pense aussi que personne ne pourra remonter Einstein on the Beach. Mais non, mais alors c'est ce qu'il dit. Il dit finalement c'est un opéra qui ne sera jamais imité. Non. C'est étonnant parce que souvent quand si on parle d'avant-garde, De caractère novateur d'une proposition musicale ou d'une création artistique, on se dit ça ouvre une brèche, c'est un courant dans lequel d'autres artistes vont s'engouffrer. Et là, non. C'est non. Et pourquoi ? Et là, je vais revenir justement sur quelque chose qu'a dit Vanessa Wagner hier sur la façon de jouer le piano de Philip Glass, où elle trouve que ce n'est pas le meilleur interprète. Je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que ce qui est certain pour moi, c'est que j'ai vu la reprise en 2012, j'ai participé à la reprise à Montpellier, j'avais même fait une petite exposition de photos, etc. Il y a quelque chose qui est énorme. C'est-à-dire que c'est un peu comme John Cage qui à un moment dit « Philippe et sa musique habitent le même monde oui. ». Personne ne peut habiter le monde de Philip Glass. Personne ne peut habiter le monde de Robert Wilson ou le monde de Lucinda Child. C'est-à-dire qu'il y a une énorme différence, et ça je l'ai senti très fort à la reprise avec la danseuse. La reprise en 2012 avec une danseuse qui dansait la partie de Lucinda Child. Elle était merveilleuse, elle était parfaite. Et ça marchait pas comme avec Lucinda Child. C'est-à-dire que pour que ça soit puissant, parce que justement on est sur des choses si élémentaires, il faut que ça soit totalement incarné, pas interprété. C'est-à-dire que là, c'est leur vie qui est en question. L'interprète, il va faire d'autres choses après. Il va faire une musique de Philip Glass, puis après il va faire une musique de Webern. Là, non, c'est leur vie. Et ça, on le sent. Ça, il y a un bouillonnement, il y a une sorte de folie même, je dirais, qui est propre à la création de l'artiste lui-même, qui est complètement investi. C'est son monde, c'est sa vie. Il n'y a rien d'autre que ça. Voilà. Philippe et sa musique, c'est la même chose. Voilà. Lucinda et sa danse, c'est la même chose. Et personne ne peut vivre à la place. Voilà, c'est toute l'expérience de vie qu'ils ont, chacun, qu'ils mettent dans leur art, que l'on sent. Oui, et ça, aucun interprète ne peut le faire aussi bien. Mais peut-être parce que c'est ce que vous disiez, Einstein on the Beach, c'est aussi de la performance, ce n'est pas que de la musique. Absolument, absolument. Mais surtout, moi, c'est ce que je sens, c'est je sens ce petit décalage, c'est pas énorme, mais entre l'interprétation et la vie. C'est-à-dire vivre sa musique. En plus, ils la jouent eux-mêmes. Donc, je veux dire, il n'y a pas de chef d'orchestre. Il n'y a jamais eu de chef d'orchestre. Le corps de Philip Glass ou de Steve Reich, tout ça, il est directement impliqué dans le jeu lui-même. Hein, on passe pas par un intermédiaire. Donc, il y a quelque chose qui est ressenti aussi. Cette puissance qui émerge de l'artiste lui-même. Et je ne vois pas qui pourrait reprendre Einstein on the Beach, sauf à le recopier comme un peintre recopierait un tableau dans un musée. On dirait que c'est un faux. Il y a quelque chose de cet ordre. Voilà. Mm-hmm. C'est un peu radical, hein, ce que j'ai dit, mais je le pense vraiment. Mais est-ce que ça veut dire que, pour autant, là, on continue à l'écouter, et tant mieux, non? Oui, mais parce qu'ils sont toujours vivants, et que quand ils le reprennent, ils sont là. Je veux dire, est-ce que quelqu'un d'autre, comment va interpréter? Voilà, c'est un peu comme ce que disait Vanessa Wagner. Bien sûr, peut-être que d'autres pianistes peuvent jouer mieux, mais personne ne remplacera ce que moi j'ai entendu. J'ai eu cette chance. Mais elle parlait pas d'Einstein on the Beach pour le coup. Non, elle parlait des œuvres de piano, ouais, par exemple. C'est ça. Voilà. Et en même temps, ce qui est beau, c'est que Philip Glass laisse les interprètes libres. Par exemple, il y a eu, c'est toutes ces études pour piano qui ont été données à la Philharmonie il y a 3 ans, à peu près, avec des interprètes très, très différents. Et je demande à Philippe, qui était à côté de moi, qu'est-ce que tu leur as donné comme instruction? Aucune. Me dit aucune. Voilà. Et on a eu, en effet, des propositions extrêmement différentes. Ceci étant, après, pendant le repas, tous les deux, on a donné nos points de vue. La chose la plus intéressante avec 1 plus 1, c'est un système arithmétique. C'est-à-dire, j'ai fait un rythme de double crochet, c'est-à-dire taka, un simple de ta. Je trouvais qu'on peut combiner les deux dans différents moyens, comme tekata, tekata, tekata, tekata, tekata, c'est 1 plus 1. Si on peut changer le premier, est-ce qu'on peut ajouter un autre, c'est-à-dire tekata, tekata, tekata, tekata, tekata, tekata. Si on ajoute un autre, c'est tekata, tekata, tekata, tekata, tekata, tekata, tekata, tekata, tekata, tekata, tekata, tekata, c'est très simple. C'est curieux parce que c'est comme avec dans les systèmes de la computer, c'est aussi très simple. Je trouve que c'est un système très proche de nos vies modernes, enfin. En guise de transition vers l'émission demain, Jacqueline Cour, on parlera de la musique répétitive, hein, Reilly, Reich, Cage, et donc l'influence de et sur Philip Glass dans cet univers de musique répétitive. Voici donc c'était une archive de Philip Glass qui date du 9 avril 1974, dans lequel il explique comment il a composé One to One, ce morceau qui date de 68, qui est un morceau précurseur d'Einstein on the Beach. Et il dit à la fois, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, il emploie 2 fois le mot, et aussi ce qui correspond le plus à nos vies modernes, dit-il. Absolument. Et en même temps, qu'est-ce qu'on entend? On entend le travail qu'il a fait avec Alaraka. On entend vraiment, même quand il chante, on entend le raga. On entend le début, quand il chante, les gens, ils chantent le rythme. Voilà, et c'est ça aussi qu'on entend. Et en même temps, c'est pour ça que je dis que c'est des liens qu'il fait avec l'archaïque, l'ancien, et la modernité. Et quand les deux arrivent à se joindre, comme il arrive à le faire lui, là, il y a quelque chose de vraiment très puissant. Et je crois que c'est ça aussi que beaucoup d'entre nous soit refusent, soit reconnaissent comme étant une nouveauté. Comme étant comment arriver à intriquer quelque chose d'aussi ancien, d'aussi simple aussi, avec la complexité. C'est ce qu'il a fait aussi pour la musique des films de Reggio, Koyaanisqatsi, c'est vraiment ça aussi, voilà. Et on a ces grandes nappes, voilà, qui viennent avec ces images où on survole le désert, là, etc. On joue et ensuite on arrive dans ces flux incroyables de voitures, voilà, les feux, etc. Il arrive à faire la jonction. Et ça, c'est pas si fréquent. Parce que soit on est vraiment tout à fait d'un côté, soit on répète. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont été chercher en effet des formes, soit du côté des musiques africaines, soit des côtés des musiques indiennes, mais ils ne sont pas devenus des gens qui imitaient. C'est ça. Ils se sont appropriés l'essence même de ces musiques pour en faire la leur. Et ça, c'est vraiment là que la création se fait. Voilà, comment on a un socle très puissant, très ancien, et à partir de ce socle, là, on s'élance. On s'élance et on cherche des voix, on cherche sa propre voix. Parce qu'en même temps, chacun, et demain ça sera dit, ils ont chacun leur style, que ça soit Terry Riley. C'est dommage, j'aurais aimé faire une différenciation entre le minimalisme et les répétitifs. Ce sera le sujet de l'émission demain. Je voudrais profiter de notre dernière minute pour signaler, puisque on a cité le nom des personnes qui ont contribué à faire en sorte que Philip Glass puisse devenir ce qu'il est aujourd'hui. Beaucoup des archives que nous avons diffusées ce matin sont extraites de l'atelier de création radiophonique. Absolument. Diffusé sur France Culture avec Daniel Coe, qui était votre époux, Jacqueline Coe, et qui a énormément contribué à diffuser le travail de Philip Glass. Ah, c'était fantastique. L'atelier de création radiophonique de Farabet et d'Alain Trutas, c'était génial à l'époque, parce que c'était des émissions qui duraient plus de 2 heures. Comment est-ce qu'on peut faire encore des émissions comme ça maintenant? C'est-à-dire que là, on avait vraiment le temps d'approfondir, vraiment, et pas de rester à la surface des choses, et de proposer justement peut-être ce que cette personne disait ne pas comprendre et avoir besoin, peut-être vraiment faire entendre. On a quand même réussi à dire des choses en 50 minutes. Je crois. J'espère. Merci beaucoup, Jacqueline, Merci en tout cas d'être venue ce matin. Dans l'opéra Un Chat on the Beach, il y a un passage avec, on chante sur Mr. Bojangles. Je vous propose qu'un clin d'œil à la chanson de Nina Simone, je vous propose qu'on se quitte avec cette chanson de Nina Simone. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants, the old soft shoe. He jumped so high, jumped so high, then he lightly touched the ground. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked at me to be the eyes of age. As he spoke right out, he talked of life. He laughed and slapped his leg a step. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. Philip Glass, Nina Simone, Jacqueline Coe et Frédéric Worms sur les chemins de la philosophie sur France Culture. C'est l'heure de votre chronique, Frédéric Worms, votre chronique quotidienne de philosophie, le pourquoi du comment. Comment être réellement réaliste? Le mot réalisme a un sens très particulier en philosophie. Il ne désigne pas seulement, comme dans le langage ordinaire, une sorte de vertu pratique ou un peu pragmatique. On appelle réaliste, dans le langage ordinaire, l'être humain qui tient compte du réel dans son action, qui ne détache pas ses projets des contraintes concrètes qu'ils vont affronter. Par exemple, il y a quelqu'un d'un peu idéaliste qui rêve de la paix dans le monde, et le réaliste, c'est celui qui lui a dit « Oui, la paix dans le monde, c'est très bien, mais il faut tenir compte du réel avec les compétitions économiques, comique et aussi les passions qui déchirent les êtres humains. Voilà le réalisme dans l'action concrète. Mais en philosophie, le mot réalisme désigne quelque chose de plus radical, de plus abstrait peut-être en apparence, mais aussi par lequel il faut passer pour comprendre même ce réalisme pratique ou pragmatique dont on vient de parler. Le réalisme en philosophie, c'est la doctrine qui tout simplement revendique l'existence du réel au-delà de tous nos discours, au-delà de toutes nos pensées qui peuvent en effet nous en séparer. Et le réalisme s'oppose en ce sens à l'idéalisme. L'idéalisme, c'est plutôt la thèse qui pense que nous n'accédons jamais à un réel absolu, que le réel est toujours filtré par nos pensées, par nos idées, quel qu'en soit finalement le principe. Chez Kant, il y a ce qu'on appelle l'idéalisme transcendantal, les conditions de notre pensée a priori, de notre sensibilité. Nous n'accédons jamais, dit Kant, à la chose en soi. Il y a aussi un idéalisme spiritualiste qui pense que ça passe par nos esprits. Eh bien, le réalisme en philosophie, c'est la doctrine qui dit, contre tous ces filtres subjectifs, idéaux, que au bout du compte, il y a le réel derrière, quelque chose de dur, quelque chose qui résiste. Et au XXIe siècle, il y a ce qu'on a certains appellent un tournant réaliste, parce que, selon eux, il y aurait eu d'abord un risque idéaliste. Deux grands idéalismes nous auraient menacés, celui de la phénoménologie, de la conscience, qui nous écarte du réel, ou celui du langage, comme si le réel était toujours filtré par les mots, ce que, en effet, certains philosophes du langage soutiennent. Il y a donc aujourd'hui un retour au réel qui ne passe pas seulement par l'action, par la guerre aussi, parfois par les menaces sur notre vie, mais par la philosophie, un tournant réaliste qui résiste en philosophie au risque de l'idéalisme. Et c'est parfois une surprise pour certains. Mais ce tournant réaliste est-il aussi radical qu'il le croit? Comment être réellement réaliste? Il y a un risque d'un certain réalisme qui dit justement, ben il y a la chose, et il faut enlever tous les filtres de nos idées, tous les filtres de nos esprits, comme si nos esprits, comme si nos pensées ne faisaient pas partie du réel. Il y a un réalisme qui nous oublie, nous, les sujets vivants, les sujets pensants. Pour être réellement réaliste, il faut inclure dans le réel les sujets qui pensent eux-mêmes. Oui, penser, ce n'est pas quitter le réel, ce n'est pas idéaliste. Penser, c'est agir, c'est vivre. Et on comprend alors qu'il faut être complètement, intégralement réaliste, y inclure les choses, mais aussi les gens, mais aussi les actions. C'est pourquoi même l'idéalisme est un petit peu réaliste pour nous, êtres humains, dans nos vies. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique, Le pourquoi du comment, est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'est Thaïs Éloi Hammer en compagnie de Jules Barbier, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son, aujourd'hui, c'était Ludovic Auger. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Philip Glass. Demain, eh bien justement, on repartira de cette distinction que vous faisiez tout à l'heure, Jacqueline Coe, différence entre musique répétitive et minimalisme. Ce sera l'occasion d'interroger les influences dans les deux sens de Philip Glass. On parlera notamment de Riley, de Reich, de Cage, etc. Rendez-vous demain à 10h. D'ici là, pour réécouter cette émission sur Einstein on the Beach, c'est très simple, rendez-vous sur le site de France Culture ou bien téléchargez, podcastez l'émission sur la plateforme de votre choix, notamment grâce à l'application Radio France. On vous attend aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.